Chapitre 258. L'interdiction de rapporter les paroles des gens aux autorités, sauf en cas de nécessité comme par exemple pour éviter un mal. Allah Ta'ala dit: et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Sourate 5, verset 2. 1539. Selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Que personne parmi mes compagnons ne me rapporte les paroles d'un autre. J'aime en effet vous rencontrer sans rien avoir dans le cœur contre vous. » Abu Dawud et At-Tirmidhi. Hadith jugé faible par Sheikh al-Albani. Rahimahullah.